enfants. La poussière d'un chemin de terre porté par le vent. Odeur de l'orage qui approche tranquillement. Quelques images, le soleil brille toujours. Nous, nous. jamais qu'un soleil brille entre nous. Excellente soirée en perspective pour la Journée internationale de la femme. Jazz and Martini le 7 mars prochain du côté du Centre d'art McLaren à Barrie. Madame Nathalie Nadon, Madame Julie Kim et Madame Amélie Lefebvre, trois auteurs, compositrices, interprètes très, très, très talentueuses de l'Ontario français. On est rendu à notre bloc de musique instrumentale et je vous propose trois univers différents. Le premier, pour oublier toute cette neige qui nous est tombée dessus, du moins en Ontario et au Québec, donc et des Maritimes également. Donc cet hiver-là qui ne veut pas finir, hein, qu'est-ce qu'on fait avec? On vit, on fait notre possible, that's it, that's all. Donc, je vais vous envoyer Los Gringos du jazz latin qui va vous donner un peu de chaleur avec la pièce The Move. Par la suite, on va aller dans un univers particulier, l'univers de DAC, qui est un groupe de la région de Gatineau, qui, à l'époque, nous faisait de l'excellente musique instrumentale, et on va entendre la pièce Africa. Vous allez voir, vraiment conceptuel, très intéressant. Et on va terminer ça avec vraiment une femme que j'adore énormément. En entrevue, elle semble très sympathique. Elle a sorti un deuxième album ou un premier album complet là, de plusieurs chansons, d'à peu près une dizaine de chansons, qui va très bien et qui est fort appréciée et qui va au-delà de ses espérances. Je parle bien sûr d'Alexandra Strelitzky, après Pianoscope, qui était un petit EP sorti il y a presque 10 ans. Eh bien, voilà qu'elle nous propose Insight, très, très, très bon album. Allez faire un tour sur l'Internet, faites Alexandra Strelitzky, et vous allez découvrir un bel univers. On va entendre la pièce Overturn, ça s'en vient. Mais pour commencer tout ça, puis nous faire oublier cet hiver-là qui ne veut pas partir, qui continue à nous envoyer de la poudre blanche, de la neige, hein, de la poudrerie, des vents, tout ce qu'on veut pas, eh bien, on va se donner un peu de chaleur, si vous voulez bien. Un groupe de la région d'Ottawa, Los Gringos, avec tout simplement The Move. Thank you.